Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Justin Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Au Canadian Pro Tour qui se déroule actuellement à Victoriaville, c'est le plus gros tournoi de la saison du circuit Canadian Pro Tour. Ça a très très mal commencé pour Pierre-Alexandre Bédard. Le golfeur de Chibougamau hier a terminé au 125e rang. Bédard, hier, qui a joué une ronde de plus 4, soit 76. Par contre, Lucas Dupéré de Dolbeau-Mistassini, lui, a bien fait. Dans le cas de Lucas Dupéré, il a terminé sa journée de travail au 46e rang. Il a joué moins 2 et il a joué 70. Hier, dans la section entrevue de dernièresdesports.com, on a eu Alexandre Lallemand, qui est en charge du responsable du hockey mineur dans la région. Cette année, il y a un changement de catégorie à ce qui a trait à l'atome, et Alexandre Lallemand explique les raisons. Dans toutes les catégories avant, à part l'atome, le premier point de sélection d'équipe de compétition, c'était le 2A. Le okay. 2B, donc du PIWI en montage qu'on midget. Et puis, dans l'atome, le premier critère, c'était le 2B avant le 2A. Fait que là, nous, la fédération, a retravaillé la classification. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené le critère 2A en premier dans l'atome au lieu du 2B. OK. Donc, ce que ça a eu comme conséquence, c'est que notre calibre régional, au lieu d'être de l'atome 2B, va être de l'atome 2. On sait qu'il y a, une nouvelle structure cette année de hockey scolaire au niveau Benjamin Cadette dans le secteur de Chicoutimi et dans le secteur de Robertval. Alexandre Lallemand mentionne qu'on va travailler avec les différents hockey mineurs pour limiter l'impact le plus possible. On va l'écouter là-dessus. Pour des structures civiles également. C'est sûr que cette réalité-là va peut-être amener dans des secteurs où il y aurait peut-être une interruption de service pour une année ou deux. Peut-être, surtout dans les catégories, peut-être Bantam. Qui risque d'être plus touché un petit peu. Mais nous, ce qu'on a fait là, avec nos associations d'hockey mineur, on est au courant qu'il va y avoir des impacts. On va regarder après l'an 1 comment ça va se placer. Mais c'est sûr que le hockey, qu'il soit scolaire ou qu'il soit civil, ce sont des jeunes qui participent au sport sur la glace. Fait que nous, on a un travail à faire là. On est conscient que ça a un impact, puis on va le vivre. Puis on travaille aussi avec le RSEQ là-dedans aussi pour s'assurer que oui, il y a du hockey scolaire, oui, il commence à avoir du hockey double lettre, puis il risque d'avoir du hockey simple lettre encore. Le simple lettre risque d'être peu touché par cette donnée-là. On est conscient que c'est plus le double lettre. Il risque d'avoir peut-être un peu moins d'équipes dans certaines catégories, mais on est encore conscient que Au soccer, il y avait des matchs hier qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. Et d'abord, à noter que du côté de Saint-Prime, l'attaque de Saint-Prime a perdu 3-1 contre la formation de Saint-Bruno dans un match du senior féminin division 2. Et maintenant, du côté de Robertval, il y avait des matchs qui, la ligue de Ballante, évidemment, les différentes ligues de Ballante, ça achève quand même. On va être rendu aux séries éliminatoires très, très bientôt. Donc, du côté de Robertval, l'Intersport a défait le Zodiac 16-9, Saint-Hubert 14, Pièce de Tour-Roussel 13, et le Mégavac a défait le Garma 19-7. Je vous invite à écouter la section entrevue de dernièresdesports.com. Hier, on a parlé avec Pascal Jobin, où on parle évidemment du match entre Duke et McGill qui aura lieu dimanche à Montréal. Également, je me suis entretenu aussi hier avec Michel Lallemand, et on parle avec Alexandre Lallemand également. Du hockey mineur dans la région. Le sport local et régional, à dernièresdesports.com. On s'en occupe.